Je lis des roquets, des héros gays, des visuals nouvelles, des histoires des lettres, c'est quoi tout ce bordel? Des visuals nouvelles, héros gays, lesbiennes, des histoires des lettres, animés en l'air, c'est quoi tout ce bordel? Il me faut les lire. Depuis Higurashi, je pense plus qu'à en lire. Ces putains de jeux faciles qui se jouent en un clic. Des histoires de manga, mais même pas animées. Y'a toujours que du texte, comme un book illustré. J'ai acheté Phoenix Wright, je l'ai même pas fini. Les enquêtes sont trop dures, malgré tous les indices. J'ai fait Trauma Center, j'ai tué tous mes patients. Avec des anévrismes et même une rage dedans. Ça c'est pas pour moi, c'est un peu trop dément. Je lis des roguets, des héros et gays, des visual novels, des histoires des lettres, c'est quoi tout ce bordel? Des visual novels, héros gays, lesbiennes, des histoires des lettres, animées en l'air, c'est quoi tout ce bordel? Il me faut les lire. Mais il faut pas rire. Je lis des roguets, des visual novels, je lis des roguets, des visual novels, des visual novels. Ah oh oui, encore, ah oui, oh. Ah oui, oh grand frère, oui, oh grand frère, grand frère, grand frère. J'aime beaucoup les dialogues, c'est du Prévert, quoi. J'ai bien sûr essayé la série Bible Black. Elles font des sacrifices avant d'avoir le bac. Entre deux scènes de fesses et une messe satanique. C'est quoi tout ce bain de sang? Mais qu'est-ce qu'ils font les flics? Dans Kanaimoto, j'ai réussi toutes les fins. Mais elles sont bien trop tristes, c'est vraiment trop malsain. J'ai essayé School Days, y'a plein de sang qui mousse. Elles fun les gars à côté, c'est comme les bisounours. Je lis des roguets, des héros et gays, des visual novels, des histoires des lettres. C'est quoi tout ce bordel? Des visual novels, héros gays, lesbiennes, des histoires de lettres animées en l'air. C'est quoi tout ce bordel? Il me faut les lire, mais ils font pas rire. Oh purée, c'est encore un truc de cul. Ça leur arrive de penser à autre chose, les otaku qui font ces trucs là ou quoi? Dites-moi ce qui me reste, je n'ai pas eu ma dose. Il me faut du cul. Ça colle comme la peste, toutes ces histoires en prose. Ma vie est foutue. Je lis des roguets, des héros et gays, des visual novels, des histoires des lettres. C'est quoi tout ce bordel? Des visual novels, des héros et lesbiennes, des histoires des lettres animées en l'air. C'est quoi tout ce bordel? Il me faut les lire, mais ils font pas rire. Bon, j'ai assez lu. Je vais voir ce qu'il y a de votre...